propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. On me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse gronde à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre. Que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr, on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de roses n'existe pas, pourtant l'imaginer. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Décroche-la si tu l'oses.